عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة أخرجاه que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que Allah عز وجل a dit et qui donc est plus injuste que quelqu'un qui veut créer comme ma création alors qu'il crée Zarra ça peut être interprétable comme étant la chose qui était la plus petite à leur époque aujourd'hui on appelle ça on dirait que c'est un atome mais on ne connaissait pas les atomes à l'époque donc c'était un mot qui est employé pour la chose la plus petite qu'ils connaissaient à leur époque qu'il crée une graine qu'il crée une Sha'ira, c'est l'orge. Vous voyez l'orge comment c'est petit. On dirait un cheveu un peu épais. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla les a mis au défi de créer les choses les plus petites qui soient, qui devraient être les plus faciles pour eux. Ils ne pourront pas le faire. Et vous voyez dans ce hadith que Allah Azza wa Jalla yaqul anna taswir, yani zawat al-arwah, les choses qui contiennent une âme, le fait de le faire, Allah juge cela comme étant une création. Voilà, yashtarat fihi niyya. Quelqu'un dise, moi j'ai pas l'intention de créer comme Allah l'a fait. Et toi tu n'as pas l'intention, mais Allah a dit que ce que tu fais là, c'est une création. D'accord ? Il t'a mis au défi de créer alors une chose plus petite. Wa kada. Wa nata'ajjab. De tous ces adillah, près d'une vingtaine de hadiths qui l'interdisent, et des gens, parmi les gens qui ont étudié, qui connaissent les règles d'Ousul al-Fiqh, les hadiths qui parlent de umum, quand il y a elle qui rentre, ou quand c'est un pluriel ou autre, et qui pourtant te disent, non, la photo, la vidéo, ça ne rentre pas dedans. On dit, pourquoi, c'est quoi ton dalil, ça ne rentre pas dedans. T'as rien qui exclut les photos ou les vidéos du tamim du hadith. Et قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون. Que les gens qui auront le plus dur châtiment يوم القيامه, ceux qui font les images figurées, مصورون. وجاء في بعض اثار عن ابن عباس الصوره الوجه. Que l'image c'est le visage. Dans le hadith, c'est venu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jibril lui a dit de couper la tête d'une statue qu'il avait chez lui. Si tu coupes la tête, il n'y a plus de sourah. Donc c'est la tête, le visage entier. Donc les hadiths sont clairs là-dessus. Et pourtant, des gens viennent pour te dire, non, il y a un tafsil. Pour tafsil, il n'y a pas de dalil à ton tafsil. Ça va être de ta tête que tu vas dire ça. Sans quoi les hadiths sont clairs. Ils englobent toute forme d'image. Toute forme d'image. Et les plus grandes chubourettes que les gens vont trouver, c'est que les ulama se font filmer. On a pris dans le bête précédent. Manatara l'ulama fi marsiatillah. T'as pas le droit de suivre les ulama dans leurs erreurs. T'as pas le droit. Quand t'as eu le dalil, t'as pas le droit de le suivre. Dire Cheikh Foulon, il se fait filmer. Et alors Cheikh Foulon, c'est pas un dalil. Il a été dit à Cheikh Ibn Baz, lorsqu'il disait que c'était interdit de se faire filmer, photographier, il a dit « Antat sawwar. Qala khus bi qawli la takhus bi fi'li. » Prends ma parole, ne prends pas mon acte. Et même dans le usul, al-qawl muqaddam ala al-fi'l. Al-qawl muqaddam ala al-fi'l. Ce qui a été dit prédomine ce qui a été fait. D'accord ? Et toutes ces règles, ils les connaissent. Et malgré cela, tu vas voir des toulab se faire filmer. C'est quoi ton argument ? Il n'a pas d'argument. La fitna, c'est quoi ? C'est Jawel, c'est ce téléphone-là. Tout le monde le filmait. Les réseaux sociaux, tout le monde le filmait. En plus, te faire filmer, ça apporte quoi ? On voit ta tête. Ça apporte rien. Il n'y aura pas plus de ilm dans ce que tu vas dire. Les ulama, on les connaît. Leur ilm se propageait par quoi ? Par les kutub qui ont été écrits et par leurs paroles qui sont propagées. Et aujourd'hui, les audios. Le reste, c'est une ziyad, il n'y en a pas besoin. Ou tu vois, ils font des comptes dans les réseaux, ils mettent leur tête. On dit, ça sert à quoi de voir ta tête ? Allah yaftah bab riya alayk. Ahemt ? Donc, kazalik, combien font des vidéos ? Et ils savent que Allah Azza wa Jal a ordonné à la femme de baisser le regard, de ne pas regarder les hommes étrangers. Et le contraire. D'accord. Donc en mettant ta photo, ta vidéo, bah, et en mettant ça sur les réseaux publics, aux yeux de tous, bah, tu fais que les femmes tombent dans le péché parce qu'elles vont te regarder. Tu vois? Surtout que ils font des vidéos exprès pour les femmes, pour le hijab de la femme, pour tes sujets sur les menstrues, tes sujets sur telle chose concernant la femme. Ta femme, elle va regarder ta vidéo. Akid. Tu vois? Donc c'est quoi ben, là, ton argument devant Allah Azza wa Jalla pour dire que tu as permis à une femme de te regarder? Il n'y en a pas. Il n'y a aucun dalil qui dit que le alim, la femme peut le regarder. Il n'y a pas de dalil qui dit que même le alim, la femme peut le regarder. Là, il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Vous voyez ? Il dit aux croyants qu'ils baissent leur regard. Il n'y a pas d'exception. À part pour les maharim. À part pour les maharim. Et quant à la question de Aïcha, qui a regardé les harbèches qui jouent dans le masjid, les ulémas ont expliqué qu'elle ne regardait pas les hommes. Elle regardait le jeu de loin, les harakats. Elle ne regardait pas les hommes, leur visage, comment ils étaient exactement. Tu l'acceptais pour ta femme? Elle va dire non. Pour ta fille? Non, bah pourquoi toi, tu acceptes que la fille d'un tel te regarde, que la femme d'un tel te regarde? C'est quoi la différence? C'est pas marcoul de faire ça. C'est pas adl. C'est pas adl. Et quant à celui qui voit que la femme se couvre entièrement, et c'est l'avis qui est vrai, on dit, Tayeb, en quoi te permets-tu d'exposer à une femme qui te regarde? Donc ceux qui permettent les vidéos, ils n'ont aucun dalil à l'appui. Aucun. Et la plupart, c'est les hawa, c'est les passions. Car même les ulama qui l'ont permis pour la da'wa, eux, ils vont plus loin que la da'wa. Ils regardent tout. Les informations, ils regardent des films, ils regardent tout. C'est un bab qui apporte un char, azim jiddan. Azim jiddan. Maintenant, avec toutes les applications qu'il y a, t'entends les Snapchat, spécial vidéo, les YouTube, spécial vidéo, les Instagram, spécial photo, les Facebook, spécial photo, tout ça. Tout est basé là-dessus. Et comme les gens, eh ben, ils sont faibles, ils veulent utiliser ce genre de réseau, eh ben, ils tombent dans le piège. Et après, au final, ils sont bloqués, ils sont obligés de dire, ouais, c'est pas mis les photos. Ou les vidéos. Pourquoi? Parce que ça va en accord avec ce qu'ils veulent faire. Mais si nous, ça a dit là aux règles, ils ont rien, les mains. Les mains sont vides. Tu peux ramener le plus grand alim que tu veux, il aura les mains vides d'arguments. Vides d'arguments. Cette vide-là qui est arzima. Et pareil, ceux qui mettent, qui cachent juste les yeux. Mais c'est quoi de dalil pour cacher les yeux? Donc demain, je prends une lune du soleil, tu peux prendre en photo. Ou demain, je mets ma main devant mes yeux, tu peux prendre en photo. Le dalil, c'est quoi? C'est de couper la tête. Cacher les yeux, ma main alfa, sura mawjouda, la tête, elle est présente. Et des gens, des fois, demandent, et une tête de derrière, une tête de profil, on dit kulluhu ra's. Kulluhu ra's, tout c'est la tête. Que ce soit une tête de derrière, une tête par en dessous, une tête par au-dessus, tout c'est la tête. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et tout rentre dans le dalil. Maintenant, regarder une photo ou une vidéo, c'est autre chose. D'accord? C'est autre chose. Là, on parle de ceux qui se font filmer, ou qui filment, ou qui diffusent des photos. Quand même, des fois, sur Twitter, t'en as, ils ont compté les photos, pour toi, ils font retweet. Retweet d'un compte dans lequel il y a une photo. Ben, t'as fait une photo, là, à ce moment-là. En retweetant un compte qui amène une photo, ou qui a une photo de profil, où il y a une photo, eh ben, t'as contribué à la photo, et t'as fait un tasweer. Pourquoi? Car ton retweet amène à dupliquer cette image. Comme prendre une photo, et faire chez la photocopie, tu mets une image, et tu la dupliques. Eh bien, c'est pareil. Quand tu retweets, quand tu partages une publication qui contient une image ou une photo, tu auras dupliqué la photo. Donc, tu rentres dans le hukm de Moussawirin. Et le hukm, il est shadid. Voilà, on ne parle pas d'un truc qui est macro. On parle parmi les kabaïr, parmi les kabaïr et zonoub, dans lesquels tu mérites l'ana d'Allah azawajal. Et le plus dur des châtiments yom al-qiyama. Ce n'est pas une masse à faire. Voilà, les gens diraient, c'est devenu juste macro. Là, mine kabaïr. Kabaïr et zonoub. Wali azubillah. Mais c'est tellement propagé et diffusé que les gens pensent que c'est devenu normal. Là, c'est pas que c'est devenu propagé qui est devenu normal. Al-Asaf. Combien de péchés sont aujourd'hui propagés à je ne sais combien de degrés, et pourtant ça reste toujours haram. Al-Hukm, ma wa babni al-kasra wa al-qillah, wa babni al-dalil. Que ce soit une chose qui soit faite en quantité ou en minorité, s'il y a un dalil qui l'interdit, c'est interdit. Et s'il y a un délit qui dit que c'est obligatoire, c'est fait en minorité, ça reste obligatoire. On regarde pas ce que les gens y font, ils font pas. Ma wa hada. Wa in tuti aksar man fil ard, dillu ka an sabilillah. Si jamais tu suis la plupart des gens qui sont sur terre, ils vont t'égarer du sentier d'Allah, azza wa jalla. Donc les gens craignent Allah. C'est un sujet, on répète, mais on dirait, même si je parle de gens qui savent que c'est haram, tu vois un tasahul ajib dans la diffusion de photos et de vidéos. T'as une photo, tu veux la diffuser, enlève la tête. T'as une vidéo, tu veux la diffuser, enlève la tête. D'accord? Et toi, que tu prennes en photo et ensuite tu caches la tête, là, t'as pris la photo. La photo, tu l'as prise. Là, ça t'a fait un tasahul. Même si tu caches la tête par la suite, l'acte, c'est que t'as pris la photo toi depuis le début. Et cette photo-là, il n'y a pas de wajib. Quant aux photos des papiers, ça c'est une daroura, c'est autre chose. Le passeport, carte d'identité, permis de conduire, et encore permis de conduire, la salaine, il faut voir, les autres pour les femmes, qui passent leur permis, à la base la femme, elle n'a pas à conduire. Pour ce qui en découle comme haram, derrière, bien que la conduite en soi, en elle-même n'est pas interdite, tout ce qu'il y a derrière, passer un permis, ben, une raison de plus, tu vas te faire photographier, en plus en France, sans hijab. Sans hijab. Char à la char. Char à la char. Wa kullu hadha min nasiha pour les gens. Wa illa hukmu min Allah. Amru min Allah. Hukmu min Allah. Nous, que les gens se fassent photographier ou pas, ça nous fait rien à nous. Demain, Foulan, il se prend en photo, il se fait un selfie, ça ne fait rien à moi. Le zem, il est sur toi. Nous, on te conseille. Demain, tu filmes ton enfant, tu as la photo de ton enfant dans ton jawel, ou la photo de Cheikh Foulen. Nous, ça ne fait rien à nous. C'est pour toi qu'on dit ça. Et qu'on sache que le taswir, dans quel livre on le lit là maintenant là? Kitab al-Tawhid. C'est lié au Tawhid. On leur dit, c'est pas de la rigolade. C'est pas une rigolade. C'est lié au Tawhid. Le shirk qui apparaît comment, selon Ibn Abbas, par le taswir. Car les gens se mettent par la suite à adorer ces images. Même toi, tu ne veux pas le faire et que ton image ne sera pas adorée, tu auras contribué à un acte qui amène à cela par la suite. Et ceux, par contre, qui carrément font des sculptures, des images pour qu'elles soient adorées, alors là, c'est du kouf. Directement. Car lorsqu'une personne, elle prend une photo ou une vidéo, c'est quoi qu'elle veut à ce moment-là? Un souvenir, par exemple, ou garder en mémoire une chose. Cette chose que tu prends en mémoire, c'est une création d'Allah qui, à la base, elle, par exemple, il prend son fils en photo. D'accord? À ce moment-là, il va faire quoi? Il va vouloir prendre une créature vivante et la garder et la mettre à part. Donc, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Cette créature, elle est de toi et d'Allah, Azzawajal. Alors, cette créature-là n'est pas figée. Et elle avance et elle fait sa vie dans le temps. Toi, tu veux la figer, la garder et la mettre à un endroit pour la garder en souvenir. Qu'est-ce que tu auras fait à ce moment-là? Tu auras voulu recréer et imiter ce que Allah a créé. C'est ce que tu auras voulu faire. Tu auras filmé un tel, tu auras voulu prendre cette création d'Allah et la garder et la mettre de côté pour l'avoir plus tard ou quoi. Quoi. Donc, qu'est-ce que tu auras voulu faire? Imiter la création d'Allah, Azzawajal. Sans quoi? Tu veux voir un alim, ben, va te déplacer, va le voir. Tu veux voir un tel, va dans son mosquée, va le voir. Tu le verras. Hein? Et ton fils, il va grandir, bah, tu vois plus qu'il faut un bébé, c'est pas grave, tu vas pas mourir. Photo de ta fille. Belle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a déchiré les rideaux avec les oiseaux, il a dit, Ali tuzakirni bid dunya. Ça me rappelle le dunya, alors que moi, je me rappelle de l'akhira. Donc, voir tes enfants en photo, ça t'accroche à quoi? À la dunya encore plus. Voir ta mère et ton père en photo, ça t'accroche quoi? À la dunya en plus. Ça t'apporte rien pour l'akhira. Ça t'accroche encore plus à la dunya. Et plus t'accroche à la dunya, plus tu seras faible en religion. Et plus la mort, tu vas la détester. Tu vas rester avec eux. Ces gens-là, pourquoi tu veux leur photo? Pour pas te séparer d'eux. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà fait hadith, Ya Muhammad, ahbib man ahbabta, fa innaka mufariq. Aime qui tu veux en ce bas monde, tu vas te séparer de ces gens-là. Pourquoi? Par la mort. Donc facilite-toi la tâche dès maintenant. T'accroches pas à ça. Tu veux voir tes parents? On leur visite. Tu veux leur parler? Téléphone-leur. Ton enfant, tous les jours là avec toi à la maison. Ta photo, elle sert à quoi? Elle sert à rien du tout, cette photo. À part à rentrer dans ton cœur et t'accrocher encore plus à la dunya. Et le jour où il y aura la séparation, que ce soit lui qui meurt en premier ou toi en premier, eh ben, c'est un peu difficile pour toi. Malheureusement. Et il n'y a pas de différence entre ce qui est figé et ce qui bouge dans le taswir. Moi, j'avais cette chouboîte à l'époque. Quand j'étais en France, au début, je ne connaissais pas. Je savais que tout ce qui était photo, image, figé ou quoi, dessin, c'était interdit. Mais les vidéos, regardez. Elle a dit pourquoi on dit ça bouge. Jusqu'au jour où quelqu'un, un ders, bon c'était un Hizbi à l'époque, il a fait un ders sur le taswir, il a dit tout rentre dedans. Elle a dit, c'est quoi la différence entre ce qui bouge et ce qui ne bouge pas? Question, vas-y, réponds. Tu n'as pas de réponse. Ce qui bouge, les vidéos, ce sont des images figées qui défilent à grande vitesse. Tu fais pause, hop, t'as une photo. Tu vois. Donc maintenant, on dit sourah. C'est quoi la différence? Dis-moi un dalil qui dit que ce que tu as filmé et qui bouge n'aura pas ce qui est figé. Donne. Il n'y a pas. Kullu yusamma taswir. En arabe, filmer s'appelle taswir. Une caméra s'appelle musawwira. Mais on dit une caméra aujourd'hui, c'est le mot anglais, ça n'a pas de valeur. Celui qui filme, on l'appelle musawwir. Celui qui dessine, on l'appelle musawwir. Celui qui prend une photo, on l'appelle musawwir. Tous les mêmes mots en arabe. Et Allah Azza wa Jalla min asma'ihi al-musawwir. Pourquoi? Car il crée des êtres vivants qui bougent. Des êtres figés et des êtres qui bougent. On appelle ça comment? Taswir. Tout, c'est le même mot. Donc celui qui veut différencier, qu'il n'a pas une preuve. Il n'aura pas de preuve. Il n'aura pas de preuve. Il va se fatiguer, il va chercher de remuer ciel et terre, il ne va rien apporter. Donc on dit, istaslim l'amr, dalil, et arrête, c'est mieux. Tu vois? Arrête, c'est mieux. Ou alors, t'arrêtes pas, reconnais ta faiblesse, mais dis que c'est haram au moins. Reconnais le jugement, tu vois. Et toi, après, tu veux filmer de ton côté en sachant que c'est haram. Ala benek ben rabbik. Amaturon halal haram, hadi, laissez le bisahla. Yom el akhiyama, les gens qui t'auront suivi, laissez le bisahla. Quand les ulama ont fait un ijtihad, les ulama, ils ont un hukm spécial qui fait que le ijtihad peut leur être pardonné. Mais toi, t'es pas un alim, toi. T'es pas un alim, toi. Et on a expliqué que la plus grande chouette des jeunes là-dedans, c'est taqlid. De l'ulama. D'accord. Donc tu veux de l'akash sur le sujet avec des gens, leur seul dalil c'est « Ouais, mais chez un tel, il a autorisé, ou chez un tel, se fait filmer, ou à Kaza. » Et quand tu débats la dille là, voilà. Ou par exemple, ils vont dire « Ouais, à Mecca, ils filment, c'est-à-dire que c'est haram. » On dit « Mecca, c'est pas le Jannah. » Allah Azza wa Jalla a fait le faute du lieu, mais ça veut pas dire que les gens qui y sont, ils sont tous moustakimines. À Mecca, il y a des voleurs, ça existe. À Mecca, t'as des gens qui fument, t'as des gens qui font, peut-être même qui font pas salat, tu vois. T'en as, ils nous ont raconté, ils habitaient à Mecca. Je sais plus qui m'a raconté ça, je sais toi. Il avait, je sais pas quel âge, il a jamais fait le hajj. Il habitait à Mecca, il a jamais fait le hajj. Il ne faut pas confondre entre le fard du lieu et les gens. Ce sont des choses différentes. Ou Kazalik, Mosjid Nabawi, les ulama ils sont filmés ou le Mosjid est filmé. On dit même s'il est filmé, Mosjid est filmé, ça peut dire que c'est autorisé. Mosjid Mawi, Zakhraf, il embellit. Khilaf Sunna. Dans Mosjid Nabawi, il y a la Kubba, Khadra, sur la tombe du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kubba. La Kubba, la coupole, c'est pas permis. Le Mosjid, maintenant, le Kabr, est dans la bâtisse du Mosjid. À la base, c'est pas permis ça non plus. Ce qui veut dire que c'est une hujja, c'est pas une hujja tout ça. Pas une hujja tout ça. Et nahnu mulzamun bi ittiba' ad-dalil. On doit suivre les preuves. Azam. Donc là, l'islam, parmi les règles de l'islam, c'est fermer les portes et couper l'herbe à la racine. De tout ce qui pourrait amener au shirk, même des obéissances, que ce soit apparent ou caché. Et parmi ces causes, justement, le taswir et l'élévation des kubours. Et même si on dit que ta photo que tu as faite, ta vidéo que tu as faite ne sera pas adorée ou quoi, l'acte que tu fais, c'est le même acte qu'ont fait ceux qui ont fait des choses qui ont été adorées par la suite. Donc tu leur ressembles. Comme dans le hadith qu'on avait pris de cet homme qui voulait égorger un ibil. Mais ça, il l'a interrogé. Fi Eid min Ayad al-Mushrikin, il a dit non. Ayyuzbah fi lighalillah, il a dit non. Il a dit fa awfi bi nazrik. Donc lui a dit quoi? Car cet homme-là, à la base, voulait égorger pour Allah. Le Nabi Salam l'a interrogé sur des choses. Parce que ce acte pourra amener ce que des gens, par la suite, d'accord, tombent dans l'erreur. Ou alors, dans cela, il va ressembler aux gens qui étaient déjà dans l'erreur. Donc on regarde pas forcément le résultat. On ne dit pas que ça va forcément arriver. Mais en le faisant, tu lui apportes une contribution. Que tu le veuilles ou non. D'accord? Tu apportes une contribution à un acte qui amène à un grand péché. Et là, c'est le shirk en soi. Donc tu n'as pas à le faire. Tu fermes les portes. quand c'est pertinemment, que c'est pas toute photo qui est prise aujourd'hui, qui sera adorée. Là, vont disparaître. Les vidéos, pareil. On sait très bien. Mais l'acte en lui-même encourage les façonneurs d'images qui le font pour cela. Et dans les générations à venir, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer.